pourquoi tu m'oublies pas. Je veux que tu m'oublies, moi. Je sais qu'on s'est posé, yeah. Dis des choses qu'on n'oublie pas. Mais moi je t'ai oublié. Donc s'il te plaît, oublie-moi. Tu veux que je t'oublie pas. Toi aussi tu m'oublieras. Ouais, ouais. On a gâché du temps, ouais. On a gâché du temps. Mais la vie c'est court, donc se quitter il est temps, ouais. Ça fait longtemps que c'est tendu. Les voisins ont tout entendu, ouais. J'ai fait mon sac, je suis descendu. Tes cadeaux, je te les ai rendus, ouais. Regarde-moi et crois-moi quand je te dis que c'est fini, fini, ouais. Regarde-moi et crois-moi quand je te dis que c'est fini, donc. Pourquoi tu m'oublies pas? Je veux que tu m'oublies, moi. Je sais qu'on s'est posé, yeah. Dis des choses qu'on n'oublie pas. Mais moi je t'ai oublié. Donc s'il te plaît, oublie-moi. Tu veux que je t'oublie pas? Toi aussi tu m'oublieras. Mieux vaut être seul que se faire la guerre. J'aurais pas dû baisser ma garde. Tu peux retourner voir ta mère et lui présenter un autre gars. Pourquoi tu parles de moi comme ça? Si tu dis que tu m'as oublié, j'ai déjà refait ma vie sans toi. Alors qu'on s'était bousillé, bousillé, ouais. On s'est bousillé, ouais, ouais. Oublié, ouais. Je t'ai oublié, ouais, ouais. Bousillé, toi, tu m'as bousillé, ouais, ouais. Oublié, j't'ai déjà oublié. Donc, pourquoi tu m'oublies pas? Je veux que tu m'oublies, moi. C'est qu'on s'est bousillé. Dis des choses qu'on n'oublie pas. Mais moi j't'ai oublié. Donc s'il te plaît, oublie-moi. Tu veux que j't'oublie pas? Toi aussi tu m'oublieras, ouais. Regarde-moi et crois-moi quand j'te dis que c'est fini, fini, ouais. Regarde-moi et crois-moi quand je te dis que c'est fini, donc. Pourquoi tu m'oublies pas? Je veux que tu m'oublies, moi. Je sais qu'on s'est posé, yeah. Dis des choses qu'on n'oublie pas. Mais moi je t'ai oublié. Donc s'il te plaît, oublie.